Bonsoir. Il est 21h26 sur l'horloge de Canal Sud. Et c'est actuellement l'émission de Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances avec pour l'instant Schizotiste, aka Spontaneous Dysentery, qui ne fait absolument rien. Et moi-même, qui ne fait absolument rien non plus. Et donc, c'est une très mauvaise soirée en notre absence. Oui. Thank you. contre toi-même, même que je t'encule, petite mère, à chier, Exactement. La petite fille vous a dit, oui, elle l'a fait. Elle a dit que vous aviez de la poudre. Une poudre magique. Très bonne. C'est exactement ça. Pourtant, j'ai elle goûté le son. But it's still there. Too bad I didn't get shit. Too bad I didn't J'ai été heureux. renard n'aime pas ce que je ne dois pas. Conversation vers la droite tangente, je repérerai facile, mais j'ai pas que ça, c'était pas une participation, mais juste un art seul de merde. Ainsi l'événement participatif ne débloque pas de vers une intime finitude. Finalement, c'était inspiré, muselière, record, trademark. Ni à l'ambiance sonore, sexe, cette vision de l'urgence, cette attitude crue, malodorant, presque imperceptiblement, spontané. Je démarquis raison de mettre au travers, le système ne m'a pas convaincu. Pouvoir incessant, sexe, l'on pourrit à jamais la queue, la chatte, le cul de merde qui pue l'ancienne ferveur à dominer. Passément, et seulement voilé, ou dévoilé, mais pas contribuable. Fin. Fast car ride. I spy a guy with crutches, not that I care. And where is cars? Tu peux traverser un peu de lenteur que cet être-là. Non. Vous devriez consulter un docteur. Pour ne pas vouloir une récrimination partielle déclamer, déjouer les plans malveillants d'un garçon. De raison de m'inquiéter, ô piété, fibrale atrophité, je sublime l'éternel fibrale atrophité, je sublime l'éternel fibrale atrophité, je sublime l'éternel fibrale atrophité, je sublime l'éternel fibrale atrophité, je sublime l'éternel façonnance se cherche, je suis en puisant dans le tréfonds d'une âme maudite, je virtualité en dans le tréfonds d'une âme maudite, je virtualité en puisant dans le tréfonds d'une âme maudite. Vous écoutez Canal Sud, il est presque 22h et comme tous les vendredis, entre 21h à peu près et 23h à peu près, Nuisance sévit. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Avec ce soir, Electro, Start, No Disco, Noise Mixer que vous entendez actuellement à l'antenne, avec Spontaneous Dysentry aka Schizotiste et avec moi, Al. Là. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Tu es dans est sur la voie hors du corps. Nous voyons le même vieux respect, réalisation d'autres émotions. Les douleurs seront toujours les uns les deux. Si tu puises dans le puits sans tréfonds, tu verras les rondeurs. Si obtuse, aiguë, si amplement, passionnément débordant. Dommage pour l'avenir, si maintenant, à présent, voyons les autres, les temps là, définir le soi. À moitié, de gauche à droite, je tape. Mais putain, j'ai toujours pas compris. Alors voilà, je te le dis, c'est dit. Nous voyons l'entier sans pisser ou chier dessus. Ouais, c'est ça, yeah, right. Ouais, c'est ça. C'est ça la vie dernique. À chier de merde, je l'encule, vous et tous. Autant que nous ne sommes rien. The down low. I got myself coated like a sugar bullet proof wing. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Que de lanardin, comme lapin, canard, renard, miam miam. manger viande pour poursuivre. Ainsi, l'état-major mémorise pendant que la guerre installe, non qu'il n'y ait d'éventuel calage, car refaite la rue, la divine rue sacrée, opérative, façon de faire, l'obscur, adaptabilité, mal ou non employé, du mois à la fin. Vous êtes les malvenus. Vous êtes les malvenus. Vous êtes les malvenus.

Merde. Merde.

It's a question of meaning of the words. It's like thank you. Bonsoir, vous écoutez Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Avec ce soir, Schizotiste aka Spontaneous Dysentery, Electrostart, No Disco Noise Mixer et Alla. Et d'autres. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud. Canal Sud, Canal Sud. Nuisance, l'émission qui nous sent, c'est l'émission de toutes les nuisances. Nuisance, l'émission qui nous sent, c'est l'émission de toutes les nuisances. Nuisance, l'émission qui nous sent, c'est l'émission de toutes les nuisances. Avec ce soir le 3 mars 2017, ce soir, le vendredi. Electrostart, No Disco Noise Mixer, Schizotiste AK, Spontaneous Dysentry, Allah et d'autres. Spontaneous Dysentry, Allah.